décembre à Genève. Je vous souhaite une très belle après-midi. Restez avec nous, on écoute Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Fille de vie, fille de joie, ribaude commune. Cette semaine, la prostitution. Si on veut comprendre l'histoire de la prostitution, il est évident qu'il faut partir de la demande. De l'Antiquité à l'aube du XXe siècle. Aux origines de Rome, c'est violence, c'est sexe, et c'est cette image de prostitution avec la louve et la lupa qui sont présentes. Le bordel devient, dans l'esprit des magistrats du 1er et 15e siècle, un atelier de conjugalité, parce qu'on peut y apprendre à chevaucher normalement une femme. Dans la première moitié du 19e siècle, les femmes étaient recluses dans les maisons closes. Alors les courtisanes, il y en avait à tous les étages, si je puis dire, de la société. Et dans certains cas, ces femmes avaient une intelligence et une influence, il faut bien le dire, très forte sur les décisions politiques prises par leur amant. À la question « Est-il vrai que la prostitution explose au 19e siècle ?», l'historien Alain Corbin répond « On ne dispose pas dans ce domaine de chiffres fiables. En 1804, un règlement instaure les maisons closes afin de circonscrire dans des lieux contrôlés ce qui était vu avec Saint-Augustin comme un mal nécessaire. Un système approuvé par Alexandre Parent du Châtelet, médecin hygiéniste très pieux, qui écrit une étude sociologique sur la prostitution à Paris au XIXe siècle, publiée à titre posthume en 1836. Or, dès les années 1860, la prostitution clandestine déborde le cadre des maisons de tolérance ou des filles encartées à la préfecture de police. Les insoumises, qui racolent le jour en dépit du règlement, se multiplient. Notre quatrième épisode est aujourd'hui intitulé « Un certain 17 Nivose ». Alain Corbin, historien. Ma thèse m'avait amené à m'intéresser aux maçons limousins, maçons migrants qui sont venus construire Paris, en particulier sous le Second Empire. Or, au nombre de 50 ou 60 000, ils s'entassaient dans des garnis du centre de la capitale, du côté de l'Hôtel de Ville, rue de la Mortellerie par exemple, où se déroulent les mystères de Paris de Gensu. Et là, ils étaient en fait amenés à côtoyer d'autres marginaux, les prostituées. Alors, d'avoir étudié les marginaux limousins m'a amené assez naturellement à m'intéresser à d'autres membres de cette ville, en marge de la ville que constituent les prostituées aussi bien que les migrants temporaires. C'est, je crois, la première raison. Et enfin, j'ai été aussi frappé par la subtile censure, au fond, qu'on établit sur l'histoire prostitutionnelle et sur la prostitution en général. C'est un sujet qu'il ne vaut mieux ne pas aborder parce que ça dérange et c'est une des raisons supplémentaires qui m'ont conduit à l'étudier. En fait, ce que j'avais entrepris, c'était de reconstituer à la fois les structures prostitutionnelles, les conduites vénales, le discours sur la prostitution et la politique. C'est-à-dire ne pas me cantonner dans une optique descriptive, mais essayer de détecter le contrepoint qui s'instaure entre ces différents éléments. Si on veut comprendre l'histoire de la prostitution, il est évident qu'il faut partir de la demande, c'est-à-dire de la demande masculine, de la misère sexuelle masculine. Et je crois que c'est ce qui m'a conduit donc à étudier d'abord les frustrations, l'évolution de ces frustrations, la mutation des formes du désir, pour comprendre comment s'est opérée la mutation des structures prostitutionnelles. Ce qui fonde la pratique prostitutionnelle, c'est d'abord l'urbanisation, l'afflux considérable des travailleurs dans les villes, à Paris, des villes qui ne sont pas faites pour les accueillir. Donc ces travailleurs qui vivent en marge de la ville constituent un prolétariat à la sexualité erratique et qui nourrit une prostitution prolétarienne que les bourgeois du moment, que les notables plus exactement du moment, vont s'efforcer de réglementer, de contenir. Ils vont échafauder à partir de là un système extrêmement complexe, rigoureux et précis, dont on aura probablement l'occasion de reparler. Michel Perrault, historienne. Cette ville Paris, mais les autres grandes villes aussi, sont caractérisées par une dissymétrie des sexes. Il y a plus d'hommes que de femmes. Et ces hommes, qui d'autre part ne se marient pas à Paris, mais continuent de se marier au village, sont en quête de femmes. Et la femme est rare, elle est menacée d'ailleurs, elle est agressée. C'est quelqu'un qu'on cherche, même avec violence. Est-ce que la prostitution de cette première moitié du 19e siècle, pour aller vite, n'est pas une prostitution de caractère plus prolétaire? Est-ce que les prolétaires et les bourgeois satisfont leurs besoins sexuels de la même façon? Il ne me semble pas. Alain Corbin. Il est évident que, durant la première partie du siècle, la prostitution a un caractère beaucoup plus prolétarien que celui qu'elle revêtira par la suite, du côté de la demande. Il faut tenir compte du regard que les notables et les bourgeois de l'époque portent sur les classes laborieuses, dangereuses, vicieuses, pour reprendre les termes de Fréchier, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à porter sur elles un regard global. Et ils vont faire un effort pour justement partir à la découverte, pour analyser, pour disséquer, mais ce n'est que petit à petit que cette découverte s'opère durant la fin de la Restauration et durant la Monarchie de Juillet. Alors peut-être avons-nous tendance, nous aussi, à penser que la prostitution prolétarienne forme un tout et qu'elle ne déborde guère sur la bourgeoisie et à le penser à tort. Michel Perrault. On a l'impression que le Limousin, le maçon migrant, tel Martin Nadeau, qui d'ailleurs raconte nommément ses expériences prostitutionnelles dans ses mémoires, vont voir les prostituées de maison close, mais que l'étudiant vit en ménage avec une grisette. La grisette étant la petite ouvrière qui, au fond, se prostitue, mais à un seul homme, comme on le dira plus tard en célébrant ses vertus et en lui élevant une statue, qui est encore sur les bords du canal Saint-Martin. Les mots de prostituée et de prostitution n'ayant pas dans l'esprit et le langage de tout le monde la même signification, il nous a semblé nécessaire de commencer ce travail par en donner une définition nette et précise qui écarte tout équivoque et fasse bien comprendre le sens que nous y attachons. Dans le sens et le langage administratif, une femme ou une fille qui s'abandonne au désordre, qui se livre au premier venu, n'est pas pour cela une prostituée. Il faut, pour lui donner cette dernière qualification, une réunion de circonstances que nous trouvons indiquées d'une manière assez complète dans le message que le directoire exécutif adressa au conseil des 500 le 17 Nivose en 4, 7 janvier 1796, en lui représentant la nécessité de la prostitution. Le directoire exécutif au Conseil des 500. Citoyens législateurs, vous savez que les mœurs sont la sauvegarde de la liberté et que sans elles, les lois les plus sages sont impuissantes. Sans doute, vous regarderez comme un de vos premiers devoirs de leur rendre cette austérité qui, en doublant les forces physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Mais avant de vous occuper de cette importante régénération dont les bienfaits doivent être le résultat d'un meilleur système d'éducation et de l'influence des principes républicains, vous vous empresserez d'arrêter par des mesures fermes et sévères les progrès du libertinage qui, dans les grandes communes, et particulièrement à Paris, se propage de la manière la plus funeste pour les jeunes gens, et surtout pour les militaires. Les lois répressives contre les filles publiques consistent dans quelques ordonnances tombées en désuétude ou dans quelques règlements de police purement locaux et trop incohérents pour atteindre un but si désirable. La loi du 19 juillet 1791 a classé au nombre des délits soumis à la police correctionnelle la corruption des jeunes gens de l'un et l'autre sexe et elle en a déterminé la peine. Mais cette disposition s'applique proprement au métier infâme de ces êtres affreux qui débauchent et prostituent la jeunesse, et non à la vie de ces femmes, l'opprobre d'un sexe et le fléau de l'autre. Le code pénal de la même année et le nouveau code des délits et des peines sont également muets sur cet objet important. C'est à vous qu'il appartient de suppléer à ce silence, en portant une loi qui réprime enfin des désordres, qu'une plus longue impunité rendrait peut-être redoutable au gouvernement. Vous voudrez que cette loi caractérise et les individus qu'il s'agit d'atteindre et les peines qu'il convient de leur appliquer. Vous voudrez qu'elle indique d'une manière claire et qui ne laisse rien à l'arbitraire ce qu'on doit entendre par la désignation de fille publique. Car vous n'ignorez pas que si des femmes qui se livrent à cette vie infâme restent impunies, c'est qu'il est presque toujours impossible aux magistrats chargés de la police de leur faire une exacte application de la qualité de fille publique. Parce que ce titre, ne devant à la rigueur être donné qu'à telle qui exerce activement ce vil métier, la plupart trouvent le moyen de s'y soustraire, en alléguant qu'elles sont ouvrières ou marchandes, et en produisant des certificats des personnes pour lesquelles elles prétendent travailler. Ces personnes ne rougissent même pas de réclamer quelquefois, en présence des magistrats, ces mêmes femmes comme filles de boutique, ouvrières ou domestiques, quoiqu'elles soient notoirement filles publiques et qu'on les ait arrêtées en flagrant délit. Pour remédier à cet inconvénient, vous déterminerez avec précision ce qui constitue une fille publique. Récidive et concours de plusieurs faits particuliers. Légalement constatés, notoriété publique, arrestation en flagrant délit prouvée légalement par des témoins autres que le dénonciateur ou l'agent de police. Voilà sans doute les circonstances qui vous paraîtront caractériser cette honteuse et criminelle profession. Quant aux peines dont elle peut être susceptible, il ne paraît pas qu'on puisse en appliquer d'autres que les peines correctionnelles ou de simple police, graduées suivant la gravité des circonstances, mais en observant de préférer toujours l'emprisonnement aux amendes, parce que les coupables de ces délits n'ayant le plus souvent aucune propriété, même mobilière, les condamnations pécuniaires demeurent à leur égard sans effet, ou qu'elles ne les acquittent qu'en faisant de nouveaux outrages à la morale publique. Ces divers objets, citoyens législateurs, appellent votre sollicitude. Le directoire exécutif vous invite à les prendre en considération. Rien ne me paraît plus remarquable pour la sagesse et la profondeur des vues que ce projet du directoire, conclut Alexandre, parent du Châtelet, dans La prostitution dans la ville de Paris. Si je me réfère à Parent du Châtelet, qui est quand même un des grands écrivains de la première partie du XIXe siècle, on a tenté depuis le consulat de mettre en place un système très cohérent. Alain Corbin, historien. Il s'agit de constituer une série de lieux clos, la maison de tolérance, la prison, l'hôpital, éventuellement la maison de relèvement, entre lesquels la fille pourra circuler dans une voiture fermée qui a précédé la mise en service du fourgon cellulaire souligné par Michel Foucault. Donc une série de lieux clos, de manière que la prostitution ne soit pas visible de l'extérieur, ne soit pas visible par exemple au regard des femmes honnêtes, des enfants, mais que la prostituée soit toujours sous le regard de l'administration. C'est-à-dire des lieux clos, mais totalement et en permanence transparents au regard du policier, au regard de l'administrateur. Ainsi, les maisons de tolérance sont bien entendu, si possible, dans un quartier réservé, mais ce n'est pas toujours le cas. Parents du Châtelet se rendent bien compte que c'est impossible bien souvent. Elles doivent être fermées, il doit y avoir un système de double porte, mais à l'intérieur, la porte des chambres doit rester ouverte. Les chambres, enfin, très souvent, parce que les règlements sont divers, les règlements changent selon la ville, mais très souvent, on exige que des vitres permettent à l'administration et à la dame de maison, qui est la représentante, en fait, de l'administration à l'intérieur de la maison, de surveiller ce qui se passe. En outre, les prostituées ne sont jamais seules. Par conséquent, une surveillance réciproque peut s'exercer en permanence. Et ce système fait que la maison de tolérance, c'est en quelque sorte l'anti-bouge. C'est quelque chose de contrôlé, c'est quelque chose de surveillé, dans lequel ne doivent se dérouler que des pratiques sexuelles normales. Le bouge, c'est la maison de prostitution clandestine, celle qui n'est pas sous le regard de l'administration, et celle qu'on cherche justement à fermer, à pourchasser, et à inscrire en quelque sorte, à transformer en maison de tolérance officielle. Marie-Véronique Gauthier, historienne. parents du Châtelet, avant d'étudier la prostitution et de faire son livre monumental, s'était beaucoup occupé des égouts et des ordures. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que à partir du moment où il va forger un système clos, complètement invisible à la société, alors qu'avant, au 18e, la prostitution était quand même extraordinairement visible dans les rues, ça correspond. Il est très héritier de la fin du 18e, de cette espèce de moment où on a voulu à la fois clarifier, assainir l'espace urbain et finalement, les ordures, les prostituées, ça fait un tout. Et c'est pas un hasard si Parent du Châtelet était quand même au départ quelqu'un qui a été d'abord, d'ailleurs, ouais. Je crois, lui-même dans les égouts et avant d'aller dans les maisons closes, qui est quand même assez, assez fantastique, non ? Alain Corbin. Il n'était pas possible, en fait, de cantonner la sexualité vénale dans un système clos. Et les observateurs se rendent compte de cet échec. Et au lendemain de la Commune, en particulier, durant le gouvernement d'ordre moral, durant laquelle les problèmes moraux sont à l'ordre du jour, on sent un certain vertige, une angoisse chez toute une série d'écrivains. Je pense à Maxime Ducamp et Nana, d'une certaine façon, sera le roman sera l'héritier de cette angoisse et de ce vertige. On a l'impression que la menace que représentaient les classes laborieuses et dangereuses, eh bien, elle s'est réalisée, que la gangrène a gagné tout le corps social par la circulation du vice, c'est-à-dire que les prostituées, maintenant, circulent dans tous les milieux sociaux, et c'est très révélateur, le roman de Zola, Nana, montre bien ce mouvement de haut en bas et de bas en haut, et de contamination, en quelque sorte, de tout le corps social. Alors, il y a effectivement une angoisse, et on voudrait, dans les milieux réglementaristes, durcir en quelque sorte le système. On frappait les trois coups. Des ouvreuses s'entêtaient à rendre les vêtements, chargés de pelisses et de paletots, au milieu du monde qui rentrait. La claque applaudit le décor, une grotte du mont Etna creusée dans une mine d'argent et dont les flancs avaient l'éclat des écuneufs. Au fond, la forge de Vulcain mettait un coucher d'astre. Diane, dès la seconde scène, s'entendait avec le dieu qui devait feindre un voyage pour laisser la place libre à Vénus et à Mars. Puis, à peine Diane se trouvait-elle seule, que Vénus arrivait. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait. Ses épaules rondes, sa gorge d'amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger d'une blancheur d'écume. C'était Vénus naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Et lorsque Nana levait les bras, on apercevait, au feu de la rampe, les poils d'or de ses aisselles. Il n'y eut pas d'applaudissements. Personne ne riait plus. Les faces des hommes, sérieuses, se tendaient, avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d'une sourde menace. Tout d'un coup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. Émile Zola, Nana. On ne peut pas dissocier l'histoire de la prostitution de l'histoire des femmes en général. Michèle Perrault, historienne. À chaque fois qu'il y a un trouble politique comme la Commune, il y a en même temps une poussée des femmes vers une affirmation de soi. Et l'ordre moral à ce moment-là, une fois la Révolution passée, rejette ces femmes en attribuant le trouble qui vient de se produire, notamment aux prostituées. Les textes de Maxime Ducamp sont frappants, faisant de toutes les pétroleuses des prostituées. Et la grande peur des femmes, par conséquent, se réveille après ces troubles sociaux et prend comme bouc émissaire la prostituée. Alain Corbin, historien. Chaque ville a son règlement. Hennequin a dénombré 400, à peu près, si j'ai bonne mémoire, 440 règlements vers 1904. Donc, il n'y a pas de pratique générale. Mais enfin, il y a des procédures assez voisines. La fille doit s'inscrire sur des registres, et elle devient donc fille soumise. L'inscription peut être volontaire, la fille vient se faire inscrire, ou bien l'inscription est imposée par soit par le maire, soit par le commissaire central, soit par un jury, soit par une commission, comme à Paris, lorsque les policiers ont constaté que la fille racolait sur le trottoir. Donc la fille est inscrite. Après son inscription, elle doit subir régulièrement la visite sanitaire. Une procédure de radiation est prévue. En fait, elle est très rare. Heureusement, j'ose dire, les filles disparaissent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles échappent à la police, elles changent de ville, et la police, bien souvent, perd leur trace. Si bien que le monde de la prostitution est mouvant, la carrière prostitutionnelle, pour employer les termes de parents du Châtelet, est très souvent temporaire, 4, 5, 6, 7 ou 8 ans. Donc c'est un système très rigoureux, en théorie, mais en fait, un certain nombre de filles réussissent à passer au travers des mailles d'un filet qui est relativement lâche. Michel Perrault. On peut faire l'hypothèse d'ailleurs que les ouvrières qui, de notoriété publique, faisaient, comme on disait à l'époque, le quatrième quart de journée, étaient plutôt des insoumises. C'était pas des filles qui étaient en quarte, elles se prostituaient. Et je pense quand même que la prostitution a été quelque chose d'assez généralisé dans une large période du XIXe siècle, ce qui d'ailleurs a des conséquences importantes. Le fait qu'entre classe laborieuse et prostituée, il n'y a pas ces fossés qu'il y aura peut-être plus tard. C'est que finalement, se prostituer, ce n'est peut-être pas considéré comme quelque chose de si grave, finalement. Alain Corbin. Très certainement, un grand nombre d'ouvrières terminaient, enfin complétaient leur salaire de cette manière. Mais j'ai l'impression, à l'issue de ce travail, que malgré tout, ce sont les domestiques, les demoiselles de magasin, les servantes de débit et les ouvrières à domicile, les lingères, les modistes, les travailleuses à l'aiguille, pour reprendre l'expression de l'époque, davantage que les ouvrières des grands centres manufacturiers. Michel Perrault. J'ai été frappée, mais tout de même d'un certain embourgeoisement de l'offre prostitutionnelle. Il me semble que vers la fin du XIXe siècle, peut-être en liaison avec les maisons de rendez-vous qui n'ont plus cet aspect horrifique des bordels et des maisons closes, il y a davantage de vraies femmes mariées, si j'ose dire, qui ont recours à la prostitution plus facilement. Alain Corbin. Je crois que cela provient d'abord de l'amélioration des conditions d'existence, du niveau de ressources de la petite et de la moyenne bourgeoisie et des tentations auxquelles la femme est soumise, en particulier avec la création des grands magasins, forme imitée en quelque sorte du luxe aristocratique. La femme est tentée par ce commerce de luxe, elle circule beaucoup plus facilement que durant la première partie du siècle dans la ville, elle peut circuler seule, les grands magasins par exemple peuvent être des lieux de rencontres anonymes, on voit très bien ça d'ailleurs chez Zola. Alors toute cette environnement et ses facilités expliquent très certainement le développement de l'adultère vénal, en quelque sorte, et des maisons de rendez-vous. Comment s'explique le déclin des maisons de prostitution dans le Paris de la fin du XIXe siècle ? Alain Corbin, historien. elle décline et elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre davantage sur l'extérieur et puis elle devient un temple des perversions. Je crois que la raison, c'est qu'on supporte de plus en plus mal dans la société l'enfermement en général, la perte de la liberté individuelle, et que d'autre part, la clientèle, en quelque sorte, masculine, est rebutée par l'amour à la chaîne des maisons de tolérance, veut davantage de séduction, ou du moins l'impression de la séduction. De là, le développement des maisons de rendez-vous et de l'adultère vénal, où le client a l'impression d'exercer une certaine séduction. On retrouve le même phénomène, d'ailleurs, dans les cabarets populaires. L'ouvrier préférera s'adresser à une prostituée serveuse de cabaret que d'aller dans une maison close. Marie-Véronique Gauthier, historienne. L'homme bourgeois qui envahit la ville de Paris en vient à avoir envie de se confier même à une prostituée. Il y a la séduction et puis le besoin de se confier, bon, qu'il ne trouverait pas dans son comportement conjugal habituel. Et là, en ce sens, la vie conjugale à l'époque était si terne que les hommes ont besoin d'aller donc de temps en temps voir des prostituées. Est-ce que les femmes bourgeoises, soumises finalement au même diktat, à la même morale, n'ont-elles pas elles aussi envie de se sauver et d'avoir un comportement qui ne peut pas être le même, bien sûr, enfin un comportement qui les sauverait de cet ennui conjugal. Michel Perrault, historienne. On ne peut pas faire l'histoire de la prostitution sans faire non plus, en parallèle, l'histoire du couple conjugal, marié ou non. Il est probable qu'après une séparation de ce qu'on demande à l'une et à l'autre femme, il y a une espèce de jonction qu'on voit s'opérer peut-être dans la maison de rendez-vous. Il y aura peut-être un moment où finalement l'homme n'aura plus du tout envie d'aller à la maison de rendez-vous, mais de trouver avec sa compagne et la compagne réciproquement quelque chose qui soit le désir sexuel. Et c'est finalement toute l'évolution de la sexualité contemporaine. La morale interdisait aux jeunes filles d'avoir des relations sexuelles. Il est évident que les hommes avaient besoin d'un lieu et que le bordel, donc, joue un grand rôle dans la culture somatique. Alain Corbin, historien. De la même façon, la maison de tolérance construite par la préfecture de police initialement se fonde sur le réalisme moral augustinien. Saint Augustin, dans son De Ordine, avait bien souligné qu'il est des maux nécessaires. Le bourreau est méchant, mais il est nécessaire. Nous avons certains organes qui sont pas très propres, mais nécessaires, etc. Donc une société doit avoir besoin de personnes immorales, mais nécessaires. Par conséquent, il faut créer des lieux où elles puissent exercer et qui permettent, si vous voulez, le non-débordement du vice. Il faut d'autre part organiser les relations sexuelles à l'intérieur de ce lieu pour qu'elles ne soient pas perverses, pour qu'elles ne soient pas trop longues, pour que le mari, pour que le fils de famille qui vient ne ressorte pas avec trop de déperdition morale. Donc, la maison de tolérance, à distinguer de la maison clandestine qui est l'ombre, alors que la maison de tolérance est la lumière. Les agents des mœurs, nous le verrons, doivent pouvoir y pénétrer à tout moment. Donc, il y a là un lieu où se construit une sexualité rapide, si vous voulez, un exutoire. Et tout cela a beaucoup pesé, me semble-t-il, sur les mentalités et sur les pratiques sexuelles. Alors, la prostituée, femme des maisons de tolérance, inscrite, soumise, est donc une femme comme la bonne d'enfant venue de la campagne qui s'est occupée du corps du jeune enfant, comme la servante, comme la vieille servante qui finira d'ailleurs par ensevelir le moribond, bien la prostituée qui a initié le jeune homme aux pratiques de la sexualité, se trouve inscrite dans une chaîne de corps abdiqués, tous venus du peuple et à la disposition de la bourgeoisie. Donc, il me semble qu'on ne peut comprendre ces pratiques que si on les inscrit, encore une fois, dans une théorie morale qui est la théorie du mal nécessaire, au fond, et que si on les englobe dans toute une série de procédures qui révèlent une certaine façon d'utiliser le corps des filles du peuple, au fond, pour affiner la culture somatique des hommes des classes dominantes. Notre épisode était intitulé « Un certain 17 niveaux » avec aujourd'hui Michel Perrault, Marie-Véronique Gauthier, Jean-Marc Berlière et Alain Corbin, historien. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Réalisation, David Golan. Assistanat de production, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Lecture, Michel Mora. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. En matière de prostitution, la Suisse a longtemps oscillé entre répression et tolérance, entre fermeture de maisons closes et pratiques libérales. La précarité des jeunes migrantes, victimes de la traite des femmes, est en revanche une constante de la prostitution dans notre pays. Tous les trottoirs mènent en Suisse, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Vous écoutez la première, il est 14h.